Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Science publique, Michel Albert Gonti. Bonjour à toutes et à tous dans Science publique. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Science publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Notre pensée est-elle quantique ? D'un côté, la pensée humaine, l'un des phénomènes les plus difficiles à appréhender par la science, en particulier parce que l'observateur et son sujet sont confondus. Il s'agit de penser la pensée avec sa propre pensée. De l'autre, la physique quantique, amorcée par Max Planck au début du XXe siècle, s'attache à décrire le comportement des atomes et des particules de la matière. A priori, pas de rapport entre pensée et quantique, sauf à imaginer que les neurones sont le siège de phénomènes quantiques. Ce qui n'est pas exclu, puisque plusieurs processus biologiques, comme la photosynthèse, semblent obéir à des comportements quantiques. Mais ce n'est pas cette approche que certains psychologues ou cogniticiens défendent. Pour eux, c'est notre pensée elle-même qui serait le siège de mécanismes quantiques. La superposition d'états, l'interférence, l'intrication ou l'oscillation, autant de phénomènes de la mécanique quantique qui seraient à l'œuvre dans notre cerveau lorsque nous pensons. L'analogie est, comme toujours dans les transferts d'un domaine scientifique à l'autre, osée et parfois risquée. Elle signifierait que la pensée humaine, que l'on croit essentiellement régie par la logique du raisonnement, serait le siège de phénomènes beaucoup plus complexes, de quoi peut-être expliquer pourquoi la prise de décision échappe parfois à la rationalité. Alors, peut-on comprendre la pensée grâce au quantique ? La question induit un certain paradoxe si l'on se souvient de la célèbre phrase du spécialiste de la physique quantique Richard Feynman : « Je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique ». Pour mieux saisir comment on peut appliquer des phénomènes quantiques à la compréhension de la pensée humaine, nous recevons aujourd'hui dans cette émission de Science publique enregistrée le 2 octobre, Michel Bidbol, philosophe, directeur de recherche au CNRS et qui travaille sur les archives USERL de l'École normale supérieure, sur la philosophie des sciences et la philosophie de l'esprit. Ariane Lambert-Mogilansky est professeur en économie, spécialiste des effets psychologiques en économie à l'école d'économie de Paris. Elle nous précisera d'ailleurs son travail tout à l'heure. Alexandre Pouget est professeur de neurosciences et directeur du laboratoire de neurosciences théoriques à l'université de Genève. Il est avec nous par téléphone et nous sommes également avec Mathilde Fontes, journaliste au magazine Science et Vie, notre partenaire pour cette émission, qui publie dans son numéro d'octobre une enquête intitulée « On pense tous quantique ». Mathilde Fontes co-signe cette enquête avec Hervé Poirier. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science publique sur franceculture.fr. Mathilde Fontes, bonjour. Bonjour. Bon, dans votre enquête, vous notez que la mécanique quantique inspire parfois des analogies plus ou moins fumeuses. Donc là, au moins, vous en avez choisi une qui, elle, vous paraît tout à fait fondée. Oui, c'est toute la différence. La plupart du temps, les analogies qui sont faites, c'est finalement, ça revient à apprendre quelque chose de très mystérieux, la mécanique quantique, pour essayer d'expliquer quelque chose d'autre qui est très mystérieux, à savoir la pensée. Donc on peut avoir un peu un mouvement de recul en voyant ces travaux au départ. Mais là, ce qui nous a intéressé, c'était de s'apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'expliquer le fonctionnement des neurones en eux-mêmes, mais qu'il s'agissait de construire un modèle de pensée, c'est-à-dire d'essayer de décrire comment est-ce qu'on veut prendre une décision, ou comment est-ce qu'on va, par exemple, distinguer les choses, se faire une image dans notre esprit d'une chose qu'on voit, etc. Et donc il n'y avait pas du tout de prétention à vouloir expliquer la nature réelle de la manière dont la pensée se formule dans le cerveau, se passe dans le cerveau. Et donc ça nous a intéressés. Et ce qui nous a intéressés dans un second plan, c'était de s'apercevoir qu'il y avait beaucoup de résultats très précis qui étaient des résultats sur des expériences classiques de psychologie qui sont connues pour montrer des biais de raisonnement, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le raisonnement ne suit pas du tout la logique. Et donc il y a tout un tas de théories qui sont censées expliquer pourquoi est-ce que nos raisonnements dévient de la logique. Eh bien, on a pu voir dans ces nouveaux résultats montrent qu'avec une théorie quantique, donc avec des calculs quantique, avec un nouveau formalisme mathématique, si vous voulez, eh bien, on peut expliquer quantitativement les résultats de ces expériences qui jusque-là n'avaient pas d'explication. Donc ça nous a paru être une preuve quantitative, et donc ça nous a interpellés, on a eu envie d'en savoir plus. Et c'est là qu'on est tombé sur ce nouveau champ de recherche un peu foisonnant et qui démarre et qui méritait notre une. Absolument, donc on va explorer ça ensemble aujourd'hui. Ariane Lambert-Motinansky, bonjour. Bonjour. Donc dans l'enquête de Sciences et Vie, justement, vous déclarez que le potentiel de ces travaux est énorme. Alors moi, voilà, une confiance clairement affichée. Pour vous, avant d'analyser les conséquences possibles donc, de cette nouvelle théorie, qu'est-ce qui vous paraît convaincant dans cette approche quantique de la pensée humaine ? Disons que notre point de départ, c'était toutes les anomalies comportementales qui sont devenues, un sujet d'étude très important en économie. Et donc, c'est tout le champ de l'économie comportementale. Et nous sommes confrontés à une multiplicité de théories, en fait, qui essaient d'expliquer ces anomalies. Et donc, il y a une certaine frustration de pas avoir un cadre, une raison première. En fait, dès qu'il y a une nouvelle anomalie, on invente une nouvelle théorie. Et ce que les nous anomalies dont vous parlez, par exemple, c'est les anomalies, c'est le renversement des préférences, les dissonances cognitives, inverse fallacy, la manière de traiter les probabilités qui dit on est juste incapable ou quelque chose comme ça. Enfin, les gens ne se comportent pas selon le modèle. Et c'est ce qu'on appelle les anomalies de comportement. C'est-à-dire, par exemple, on va vouloir quelque chose, on va dire je préfère ça plutôt qu'à ça, et quelques minutes après, sans raison apparente aucune, on change. Voilà, ce sont ce type de... Alors que l'idée est que l'individu est décrit par ses préférences, c'est-à-dire il faut une certaine stabilité, et par sa vision du monde, son information. Donc, on se rendait compte, en fait, que dans ces anomalies, il y avait beaucoup d'instabilité, et il y avait également quelque chose qui ressemblait à des phénomènes de non-commutativité. C'est-à-dire que cela dépendait un petit peu de l'ordre dans lequel on posait les questions, ou de l'ordre dans lequel l'individu était amené à faire les décisions. Or, il existe en économie la théorie des préférences révélées, qui dit que lorsqu'on fait un choix, en fait, on révèle sa préférence, c'est-à-dire que le choix est une mesure faite sur vos préférences. Vous choisissez ce que vous préférez. Et donc, quelle est la théorie d'une mesure qui permet des mesures non commutatives ? C'était la mécanique quantique. Donc, on s'est tourné vers la mécanique quantique de ce fait. Et on a découvert que ça nous permettait, qu'on pouvait assez facilement construire des modèles qui expliquaient, et c'était ça qui était fascinant, des anomalies comportementales très, très diverses, que personne n'avait songé à voir de la même manière. Et qu'en fait, elles dépendaient peut-être effectivement de cette indétermination fondamentale des préférences et d'autres aspects, donc de la vision du monde des individus. On va y revenir plus en détail. Michel Bilbol, bonjour. Bonjour. Donc pour vous, le rapprochement entre quantique et psychologie n'est pas nouveau. D'abord, il n'est pas nouveau, en effet, puisque Niels Bohr lui-même, l'un des grands créateurs de la mécanique quantique, l'avait fait en 1927, à peu de choses près. Et il comparait, en particulier, la physique quantique avec la psychologie introspective. Pourquoi ? Non pas bien sûr parce que les électrons ressemblent en quoi que ce soit aux êtres humains, mais parce que la situation de connaissance était la même, ou du même genre en tout cas. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a une impossibilité de séparer ce qui revient à l'objet que l'on étudie et ce qui revient aux méthodes par lesquelles on l'étudie. Exemple, dans la psychologie introspective, il est impossible de séparer l'être qui étudie de l'être étudié, pour la bonne raison que c'est un seul et même être, nous-mêmes. En physique quantique, il est impossible de séparer complètement les entités qu'on étudie, comme les électrons, les photons, les protons, etc., des méthodes de leur observation, tout simplement parce qu'il y a une interaction non soustractible de l'objet et du moyen de son observation. Donc la situation de connaissance était la même. Par suite, quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple analogie devait avoir lieu. Mais alors, bien sûr, ça nous donne un enseignement considérable sur le sens à la fois de cette analogie et le sens de la physique quantique. La physique quantique n'est plus à considérer comme une théorie de la nature et des profondeurs des objets microscopiques qu'on étudie, mais une théorie du mode de connaissance que nous utilisons pour les connaître. On va y revenir, ne nous dévoiler pas tout de suite. Alexandre Pouget, bonjour. Vous êtes avec nous par téléphone, voilà, il y a un petit décalage depuis Londres. Vous semblez moins enthousiaste que certains vis-à-vis de cette approche quantique de la psychologie humaine. Pour quelles raisons ? Oui, donc effectivement, on a un enthousiasme limité, on est à la fois intrigué et en même temps on a certains doutes. Comme Madame Lambert l'a indiqué, il y a pas mal de phénomènes en psychologie qui sont très difficiles à expliquer avec les théories actuelles. Il faut faire des ajustements en permanence. Donc il y a une certaine frustration et on est tous un peu à la recherche d'un cadre théorique qui nous permettrait d'expliquer toutes ces déviations par rapport à la logique avec juste un cadre théorique. De ce point de vue-là, l'approche quantique pourrait être la théorie qu'on cherche. Alors, maintenant, il y a à peine 2-3 groupes dans le monde qui étudient ça, ça a tout juste commencé et on est très très loin d'avoir une démonstration que la théorie quantique est effectivement la théorie qui va pouvoir expliquer toutes ces déviations. Très bien, mais on va revenir sur les alternatives aussi, et puis sur tout ce que la théorie quantique peut apporter. Vous citez dans votre dossier, Mathilde Fontaise, les 4 états, par exemple, qui sont dans les modèles utilisés par la psychologie, qui sont donc la superposition d'états, l'interférence, l'intrication et l'oscillation, comme transposables finalement à la psychologie. Oui, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit on part d'une expérience effectivement de psychologie et puis on essaye d'appliquer le modèle quantique. Soit on part d'une spécificité du modèle quantique et puis on voit comment elle s'incarne, cette spécificité, dans un cas psychologique en particulier. Et la superposition, par exemple, d'états, qui est un peu le cœur de la physique quantique, qui est cette manière qu'ont les particules d'être à la fois, par exemple, à deux endroits en même temps ou d'avoir un champ magnétique dans un sens et dans l'autre en même temps, etc. Eh bien, on peut retrouver ça dans des expériences de psychologie, par exemple cette idée que dont parlait Madame Lambert Mogilianski tout à l'heure au sujet de la prise de décision. On peut penser comme on pense classiquement, c'est-à-dire que finalement, on prend des décisions en permanence et que lorsqu'on pose une question à une personne dans une expérience de psychologie, il ne va ne faire que lire l'état mental qu'il a au moment où on lui pose la question. Et ça donne un certain type de résultat statistique à certaines expériences. Et la théorie quantique, elle, si on l'applique, elle dit plutôt qu'en permanence, on va avoir toutes les possibilités de choix dans la tête, une superposition d'états de toutes ces possibilités de choix, et que finalement, ce n'est qu'au moment où on nous pose la question que notre état va être déterminé. Et ça colle beaucoup mieux, d'un point de vue quantitatif, avec les résultats d'expériences qui ont été faites. Alexandre Pouget, est-ce que ça vous paraît convaincant sous cet angle-là, sous cette superposition d'états lié au processus de décision? Est-ce que ça a un écho avec vos travaux? En fait, le problème, c'est que l'état de superposition, c'est une notion très très compliquée en mécanique quantique et que souvent on confond juste avec l'idée qu'il y a plusieurs croyances qui sont possibles en même temps. Le fait est que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on considère un problème, une question, par exemple, si je vous montre une photo de Obama et je vous demande son âge, on n'a pas juste une seule croyance en tête de l'âge d'Obama. On est capable de considérer plusieurs hypothèses en même temps. En fait, si je vous demandais l'âge d'Obama, vous me diriez il n'a pas 12 ans, il n'a pas 20, il n'a pas 95 ans. Moi, j'aurais dit, par exemple, 55 ans, plus ou moins 5 ans. Donc, je suis capable de considérer la possibilité 55, 54, 53. Donc, de ce point de vue-là, il y a d'une certaine manière une superposition d'états. Et pour chacun de ces états, je suis capable de vous dire à peu près le degré de croyance que j'ai dans cette hypothèse. Donc ça, on sait que le cerveau est capable de faire ça. Et ça, c'est très bien capturé par les théories actuelles qui sont basées sur la théorie des probabilités classiques. En mécanique quantique, il y a plus que ça. Il y a en fait l'idée que l'état n'est pas déterminé du tout. On ne sait pas quel est l'état du système. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, ce qu'on pense, c'est que le cerveau est incertain sur l'état du système, mais il fait l'hypothèse que le système est dans un état particulier. Donc Obama a bien un âge particulier. Et ça, c'est différent de la mécanique quantique où, en fait, on ne connaît pas l'état du système et, en fait, le système est indéterminé, c'est-à-dire qu'il est physiquement pas dans un état particulier. Ariane Lambert-Modjanski, vous voulez réagir à ça ? Oui, alors peut-être, je pense que c'est un petit peu nos nouveaux travaux. Peut-être que le système à l'extérieur est dans un état, mais ce qui est important pour nous, c'est la représentation que l'on s'en fait. Et cet objet-là, la représentation, peut être dans un état de superposition. Effectivement, la superposition, c'est pas juste de l'incertitude. C'est l'idée que lorsque les méthodes et les procédures d'élicitation, les questions qu'on vous pose, vont contribuer à déterminer la représentation que vous vous faites du système, enfin de Obama ou quel que soit l'objet en question. Mais donc l'objet n'est pas... en fait, je ne sais pas comment dire, mais la réalité humaine, c'est pas la réalité, c'est une réalité représentée toujours. Et cet objet-là peut se trouver, c'est ça qui est important, dans un état de superposition, oui, je crois. Michel Bidbol. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Ariane, bien sûr. J'ajouterai ceci. D'habitude, les théories classiques de la cognition considèrent qu'il y a là-dehors un certain nombre de propriétés du monde, par exemple Obama et son âge. Il y a là-dedans, c'est-à-dire dans mon cerveau, des hypothèses concernant cette réalité du monde ou même des déterminations de certitude concernant cette réalité du monde. Et il y a donc deux choses bien déterminées en face l'une de l'autre. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre de théories nouvelles de la cognition qui ont été d'ailleurs formulées depuis un certain nombre de dizaines d'années, comme la théorie de l'énaction formulée pour la première fois par Francisco Varela et actuellement très populaire parmi les spécialistes de sciences cognitives, qui dit pas du tout ceci, qui dit qu'il n'y a ni propriété prédéterminée du monde, ni propriété prédéterminée du cerveau ou des états cognitifs, mais qu'il y a une codétermination de l'un par l'autre. Donc tout se passe dans la relation de l'un avec l'autre et pas du tout dans un fonctionnement interne du cerveau et dans un fonctionnement externe du monde. Cette mise en relation des deux détermine aussi bien les états mentaux que les états du monde. Et donc, dans cette situation de relation entre les deux, une totale superposition des états de l'un et de l'autre peut se produire. C'est exactement ce que permet de modéliser la théorie quantique de la cognition. France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti. Notre pensée est-elle quantique ? C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui avec nos invités, Michel Bidbol, philosophe, directeur de recherche au CNRS, Ariane Lambert-Modjanski, est professeur en économie et spécialiste des effets psychologiques en économie à l'école d'économie de Paris, Alexandre Pouget est directeur du laboratoire de neurosciences théoriques de l'Université de Genève, et nous sommes également avec Mathilde Fontaise, journaliste au magazine Science et Vie. Alors on a effleuré cette théorie quantique de la pensée. Il faudrait peut-être préciser un petit peu quels sont les impacts, les conséquences de cette approche-là sur notre compréhension de la pensée, peut-être en commençant avec vous, Ariane Lambert-Modjanski. Alors, moi, je pense que, étant donné que je suis dans les sciences sociales et que je suis économiste, ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur les comportements et sur les comportements sociaux. Donc, en économie, on définit les agents par leurs préférences et leurs informations. Et lorsqu'on adopte cette approche quantique, ce qui se passe, c'est que les préférences deviennent très instables et qu'on a donc et qu'elles sont en constant changement. Donc, en fait, ça, c'est effectivement, il y a une remise en cause complètement fondamentale de l'individualisme méthodologique. Il n'y a plus d'individus. On ne peut plus parler vraiment d'individus. À travers l'interaction, on se transforme constamment par rapport à ces deux éléments qui nous définissent dans un modèle économique, c'est-à-dire nos préférences et notre information. Voilà, ça a une conséquence énorme sur la manière dont on doit penser les politiques économiques. Et concrètement, par exemple. Pardon ? Donnez-nous un exemple de cette différence qu'il peut y avoir entre une approche classique et puis la vision qu'apporte l'approche. On se rend compte, par exemple, quantique. Que l'on peut être manipulé. Et que un thème, parce que par ailleurs, moi je suis donc je travaille les sciences comportementales, ou disons l'économie comportale est un de mes programmes de recherche, mais je m'intéresse également à d'autres aspects de l'économie, comme des aspects de corruption où la transparence est quelque chose de très important. Et là, ce que l'on peut montrer, c'est que lorsqu'on adopte cette approche quantique, l'accès à l'information n'est pas du tout la même chose que la transparence. Dépendant de l'ordre dans laquelle on vous donne les informations, vous allez terminer avec une image particulière donc de ce qui vous intéresse, qui est peut-être le fonctionnement d'une agence. Et donc, est-ce que vous allez porter plainte ou pas porter plainte ? Donc, on se rend compte, l'architecture même du site web par laquelle on acquiert l'information est clé. Donc ça donne parce qu'on vous fait, voyager à travers le site, et donc ça donne une nouvelle perspective, oui, sur des choses complètement centrales aujourd'hui, aussi dans la théorie de la consommation, par exemple, la manière dont les informations sont données sur les différents produits. L'ordre peut avoir une importance décisive sur les décisions d'acheter, de ne pas acheter, d'aller, de ne pas faire. Donc voilà, ce sont des implications parmi d'autres. Michel Bidbol. Alors, sur évidemment. Ces conséquences et sur la façon dont on va maintenant considérer différemment notre façon de penser. On ne va pas avoir le même regard après ces découvertes. Exactement. Alors évidemment, moi je suis philosophe, donc mes intérêts sont un petit peu différents de ceux d'Ariane. Mais moi j'essaye de comprendre quelle est la nature finalement de cette mécanique quantique. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur le monde, ou est-ce qu'elle nous dit réellement quelque chose sur le monde ? Voilà mes questions. Or, je me rappelle que vous avez dit tout à l'heure que Richard Feynman, un grand spécialiste de physique quantique, affirmait que la mécanique quantique est tout à fait incompréhensible, et même que si quelqu'un prétend la comprendre, c'est qu'il ne la comprend pas vraiment. Absolument, oui, c'est une autre citation. Eh bien justement, il me semble que c'est cette applicabilité de la théorie quantique à des phénomènes cognitifs nous rapproche considérablement de la compréhension de la nature de la physique quantique. Comment ? Eh bien, regardez par exemple le phénomène d'interférence. Le phénomène d'interférence, c'est quelque chose qui habituellement est associé à l'idée qu'il y a justement concours de deux ondes qui interfèrent l'une avec l'autre et qui produisent ces étranges figures de maximum et de minimum d'intensité. Mais d'un autre côté, on sait que les entités quantiques se comportent aussi comme des particules. Et depuis la création de la mécanique quantique, aux alentours, disons, du début du XXe siècle, on n'a jamais compris véritablement que signifiait cette étrange association de comportements ondulatoires et corpusculaires. Que sont les objets quantiques pour être à la fois quelque chose d'infiniment étendu dans l'espace et de parfaitement localisé en un point ? Ça paraît totalement impossible. Eh bien, l'applicabilité de la physique quantique à des phénomènes cognitifs nous montre que il n'y a absolument pas besoin de considérer que ce sont les objets qui sont à la fois ondulatoires et corpusculaires. Il suffit d'admettre que les objets, quels qu'ils soient, qui n'ont pas des propriétés prédéterminées avant qu'on les mesure, eh bien, se manifestent de telle façon dans un contexte de mesure donné ou avec une question donnée, et de telle autre façon complètement différente avec un contexte de mesure différent ou avec une question différente. Eh bien, il suffit de supposer ça, c'est-à-dire la dépendance des réponses, soit des électrons, soit des êtres humains, dans des contextes d'interrogation différents. Il suffit de le supposer pour obtenir des effets analogues aux interférences de deux ondes. Donc, c'est que ces comportements étrangement ondulatoires et étrangement corpusculaires ne supposent absolument pas que les objets soient à la fois ondulatoires et corpusculaires. Il suffit que leur relation avec la question qu'on leur pose soit déterminante pour leur réponse. Alexandre Bouget, qu'est-ce que vous pensez de cette mise en relation qui est très, très brillante, là, que vient de nous exposer Michel Bidbol entre ces deux univers, en fait, parce que là, on parle quand même de deux univers très, très différents, hein, l'univers des électrons et des atomes, et puis l'univers des neurones et du cerveau. Ce lien vous paraît, est-ce qu'il vous paraît plausible ? En fait, pour tout vous dire, il me paraît très très compliqué. C'est vrai que moi-même, j'ai un peu de mal à saisir exactement quelle est l'analogie entre les deux systèmes. D'autant qu'au départ, Madame Lambert le mentionnait, ces idées sont parties de plusieurs observations, dont en particulier ces effets d'ordre. Donc je voulais juste revenir là-dessus très brièvement, parce que l'exemple classique qui est donné, c'est que, par exemple, si je vous demande est-ce que Al Gore, l'ancien vice-président américain, est honnête, votre réponse ne sera pas la même si je vous demande d'abord si Al Gore est honnête et ensuite Clinton est honnête, que si je vous demande est-ce que Clinton est honnête et ensuite Al Gore est honnête. Et effectivement, la mécanique quantique, enfin l'algèbre mathématique qui a été inventée pour la mécanique quantique permet de rendre compte de ces effets d'ordre. Mais il y a plein d'autres explications, bien entendu. En fait, quand je vous demande est-ce que M. Al Gore est honnête, c'est un problème très compliqué pour votre cerveau, parce qu'il faut accéder dans votre mémoire à toutes les informations qui sont pertinentes pour répondre à cette question. Ce qui est effectivement très compliqué, ça prend du temps. Et la manière dont on vous pose la question maintenant est importante, parce que si 2 minutes avant on vous a rappelé que Al Gore a travaillé avec Clinton, qu'on peut effectivement douter de l'honnêteté de Clinton, on ne va pas répondre de la même manière que si on ne nous a pas rappelé ce fait très important de la vie de Al Gore. Donc il n'y a pas forcément besoin tout de suite d'invoquer des théories certes séduisantes, intrigantes, pour expliquer ces phénomènes tels que la mécanique quantique. On peut, et je pense qu'il est important d'abord de considérer d'autres hypothèses qui sont beaucoup plus plausibles étant donné ce qu'on connaît du cerveau et puis ce qu'on connaît de la complexité de la tâche auquel on a affaire, on fait face quand on pose une question à un sujet, à savoir, il faut accéder à toute l'information qui est pertinente pour répondre à la question, et ça c'est un problème très compliqué en soi. Michel Bilbol. Alors je réponds à cette intéressante intervention en signalant justement que l'un des grands problèmes qu'a rencontré l'intelligence artificielle pour reproduire justement les capacités de l'esprit humain, c'est que on ne peut pas encoder dans un système artificiel toutes les informations qui seraient nécessaires pour répondre à toutes les situations infiniment variées que l'on peut rencontrer dans un monde concret. Ça, c'est totalement impossible. Or, justement, la différence entre le fonctionnement de ces ordinateurs qui sont capables d'être en quelque sorte programmés avec des données précises de la mémoire et notre cognition humaine, c'est que notre cognition humaine, elle est a priori complètement indéterminée face à certaines situations très très précises et qu'elle ne se détermine que au moment où la cognition rencontre cette situation-là. C'est seulement à ce moment-là que quelque chose cristallise et qu'on exprime une certaine disposition à agir qui n'était pas actualisée jusque-là. Donc le modèle quantique qui considère qu'on est dans un état de totale superposition, de non-détermination initiale, est infiniment plus crédible et infiniment plus puissant que les modèles standards du cognitivisme classique qui considèrent que, en vérité, on a tout déjà encodé, programmé dans le cerveau et qu'on va simplement révéler ce qu'on a déjà encodé dans notre mémoire. Donc ça, je pense que c'est vraiment un saut qualitatif et c'est un nouveau paradigme de la cognition tout autant qu'un nouveau paradigme concernant la nature des théories physiques. Alors Mathilde, si je peux me permettre d'intervenir. Oui, je vous en prie, Alexandre Pouget. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Bilbol sur ce sujet. En fait, en intelligence artificielle, ou aujourd'hui ça s'appelle aussi machine learning, donc apprentissage en machine, on a reconnu depuis une vingtaine d'années, même peut-être plus, qu'il y a des problèmes qui sont tout simplement pas solvables en un temps raisonnable. C'est-à-dire que pour trouver les solutions, il faudrait un temps infini. Donc du coup, ce qu'on cherche à faire en intelligence artificielle, c'est de trouver des solutions qui sont approximatives, mais rapides. Donc si je vous demande est-ce que Clinton est honnête, vous allez effectivement pas considérer tous les scénarios possibles et toute la connaissance que vous avez dans votre cerveau, vous allez essayer de trouver des raccourcis. Et en fait, toute l'intelligence artificielle aujourd'hui consiste à trouver les raccourcis les meilleurs, ceux qui vont en un temps donné, ceux qui permettent de trouver la meilleure solution. Et dans ces solutions, il y a souvent ce phénomène un peu où effectivement, on a tout un ensemble de possibilités qui sont ouvertes, et puis au moment de répondre, on va être effectivement obligé de prendre une solution parmi toutes ces solutions. Et on va utiliser des raccourcis. Alors maintenant, le problème que moi je vois avec l'approche quantique, c'est que tout d'un coup, au lieu d'essayer de continuer à suivre les lois de la probabilité, donc par exemple, on ne devrait pas être sensible à l'ordre des questions. Quand je vous demande si Clinton ou Al Gore est honnête, vous ne devriez pas être sensible à l'ordre des questions. Donc la manière intelligente d'approcher ce problème, c'est d'utiliser un système de représentation des croyances qui n'a pas, qui justement n'a pas d'effet d'ordre. Par contre, quand vous allez développer l'algorithme qui permet de résoudre le problème en un temps fini, qui va effectivement avoir des raccourcis, il est possible que le prix à payer, c'est qu'il y ait des effets d'ordre. La théorie quantique, en fait, nous propose de démarrer à partir d'un système formel qui, lui, est déjà soumis aux effets d'ordre. Donc ça, c'est pour moi, c'est un point de départ qui est problématique. C'est-à-dire qu'on part avec le mauvais système. Ce n'est pas comme ça que la connaissance est organisée. C'est pas comme ça qu'il faut organiser les connaissances. Mais là, tout d'un coup, on va penser que l'esprit humain a pris le mauvais départ. Il a pris la mauvaise théorie dès le départ. Et c'est là qu'effectivement, on a une objection. Et c'est là qu'on aimerait voir les résultats et qu'il faudra déterminer avec les expériences qui a raison. Ariane Lambert-Mouniaski, je sais pas, Michel Bilbol, quand vous voulez. Alors, je pense que... Il y a un petit différent, quand même. Là. Je pense qu'il y a une différence, oui. C'est que, a priori, vous pensez, donc je m'adresse à Alexandre Pouget, vous pensez que la cognition est, fonctionne comme un algorithme. Ça, c'est déjà un présupposé. Ça s'appelle le cognitivisme. C'est une théorie symbolique et computationnelle de la connaissance humaine. Or, il y a un certain nombre de modèles connexionnistes, dynamiques, etc., qui considèrent que le cerveau fonctionne de façon tout à fait non algorithmique, qu'il fonctionne comme une approche globale, une sorte d'adaptation globale à un environnement qui n'est pas prédéterminé et qui, à partir justement de l'interaction entre ce système dynamique et son environnement, laisse cristalliser des comportements propres, ce qu'on appelle des comportements propres, qui sont d'ailleurs analogues, entre parenthèses, aux valeurs propres des opérateurs et des observables de la théorie quantique. Et ces comportements propres nous amènent justement à adopter des conduites bien déterminées. Les comportements propres dépendent de l'interaction avec le monde. Ils ne sont pas précodés de quelque façon que ce soit dans la dynamique du cerveau et de la cognition. Donc ça signifie qu'on peut comprendre, oui, on pourrait comprendre la pensée, les mécanismes de la pensée, sans comprendre comment fonctionne le cerveau. Oh, c'est presque ça, vous avez raison, tout à fait. C'est-à-dire que le détail du fonctionnement du cerveau n'est pas pertinent pour le fonctionnement de la cognition. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît bien en philosophie de l'esprit et en philosophie d'ailleurs de la biologie en général. C'est ce qu'on appelle l'émergence. L'émergence, ça veut dire quoi? Si la pensée émerge justement du fonctionnement des dynamiques neuronales, ça ne veut pas dire que la pensée est déterminée dans son détail par les dynamiques neuronales, ça veut juste dire que la pensée acquiert une forme d'autonomie par rapport à son support neuronal. Et c'est justement ce fonctionnement autonome, cette part autonome du fonctionnement de la cognition humaine qui est magnifiquement modélisée par, disons, le formalisme quantique. Alexandre Pouget. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bilbol sur le fait qu'effectivement, pour comprendre le comportement et la pensée humaine, il faut absolument prendre en compte le monde extérieur et l'interaction de l'individu avec son monde. Je ne crois pas qu'il y ait de cognitivistes qui seraient en désaccord sur cet aspect-là, ou même de gens qui font de l'algorithmique. Tous les systèmes d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui sont algorithmiques, ils tournent sur des ordinateurs, même s'ils sont connexionnistes, c'est-à-dire qu'en fait ça s'appelle les réseaux de neurones aussi, ça tourne sur des ordinateurs, c'est parfaitement algorithmique et je n'ai pas de souci avec cette idée-là. L'autonomie de la pensée, ça aussi, c'est-à-dire la capacité qu'on a à construire des modèles du monde extérieur dans lequel nous vivons et de raisonner sur le monde extérieur sans forcément intervenir sur le monde extérieur. Donc cette capacité à imaginer, ça aussi, on peut le capturer avec des modèles très classiques. La question qui est un peu technique et délicate, c'est de savoir si on a besoin de faire appel au cadre théorique de la mécanique quantique. Qu'est-ce qu'il apporte d'autre au-delà de ce qu'on a aujourd'hui? C'est là où je reste pas encore convaincu. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est une impasse et qu'il faut pas se lancer dedans, mais on a très peu de résultats aujourd'hui qui permettent d'établir qu'effectivement, il y a un phénomène qui se rapproche des raisonnements qui sont prévus par la théorie quantique. Ariane Lambert, vous bien. Je pense que nous commençons à avoir quelques résultats et il y a beaucoup d'aspects qui sont, intéressants et qui sont intéressants d'une manière conceptuelle aussi, qui ouvrent à de nouveaux questionnements. Par exemple, en économie comportementale, on s'intéresse beaucoup aux limites cognitives, à ce qu'on appelle la rationalité limitée. Et un des aspects, c'est la difficulté de synthétiser certaines informations dans l'apprentissage. En fait, il semble que les individus regardent une perspective et ils switchent après vers une autre perspective, mais ils n'arrivent pas vraiment à les synthétiser en une image unique. Un petit peu comme dans le mode perceptuel lorsqu'on regarde une image ambiguë. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de proposer d'avoir un modèle qui rend compte de ces phénomènes. Et on parle aussi en biologie, alors moi je ne suis pas du tout biologiste, mais on dit que par exemple il y a des fonctions humaines ou des fonctions de réaction, par exemple lorsqu'on est confronté à un environnement, si on le perçoit avec peur ou si on le voit comme une source de nourriture, on n'arrive pas à combiner ces deux choses, on fait soit l'un, soit l'autre. Il y a donc des incompatibilités dans... et ça, c'est peut-être pour des raisons, parce que c'était, d'un point de vue évolutionniste, c'était beaucoup mieux de se concentrer uniquement sur une chose. Par ailleurs, il y a le côté holiste de l'individu qui fait que quand on se concentre sur quelque chose, ça a des implications sur la perception qu'on a dans les autres perspectives qui ne sont pas compatibles et donc qui ne peuvent pas être synthétisées. Parce que sinon, ça n'aurait aucune... Voilà, donc je pense que vraiment, oui, ça apporte beaucoup de nouvelles choses. Alors Mathilde Fontaise, vous allez dans votre dossier répertorier plusieurs expériences qui illustrent un petit peu les états, justement, qui peuvent relever de cette analogie avec le quantique. Il y en a plusieurs, il y en a qui sont visuelles, donc elles ne sont pas forcément les plus radiophoniques. Celle de l'expérience du tirage de dés la possibilité de gagner 200 $ est un peu plus facile à raconter et elle est troublante également. Oui, tout à fait. Donc, dans cette expérience, c'est célèbre. Hein. C'est un test qui est mené depuis les années 90. On informe les joueurs qu'ils ont une chance sur deux de gagner 200 $ et une chance sur deux de perdre 100 $. Et on leur demande s'ils veulent rejouer. J'ai pas révisé le texte. Non, alors, oui, ouais. En fait, ils font le. Oui, Michel Bidbol connaît le test. Oui, un petit peu, effectivement. Je connais un petit peu le test. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Soit on gagne 100 $, soit on perd 200 $. Voilà. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. On gagne 200 $, soit on perd 100 $. Exactement. Oui. Et donc effectivement, il y a deux possibilités pour jouer. Soit les joueurs sont informés de leur gain ou de leur perte juste après avoir pris leur décision. Soit ils ne sont pas informés. Bon. Si ils sont informés, par exemple, qu'ils ont perdu, eh bien, ils ont encore 60% de chance de décider de recommencer le jeu. Ils sont prêts à prendre le risque. Dans le cas inverse, où on les informe qu'ils ont effectivement gagné les 200 $, là, ils ont 70% de chance de rejouer une deuxième fois parce que, probablement, ils ont envie de regagner. Et ils sont prêts, là aussi, à prendre le risque. Mais si on ne les informe pas ni qu'ils ont gagné, ni qu'ils n'ont pas gagné, eh bien, ils n'ont plus que 35% de chance de décider de rejouer. Comme si, en fait, l'incertitude dans laquelle ils sont était plus grave pour eux que le fait de savoir, par exemple, qu'ils ont perdu. Donc, cette non-détermination, elle est telle que l'information selon laquelle ils ont gagné interfère destructivement avec l'information selon laquelle ils ont perdu et que, du coup, ils sont totalement paralysés, qu'ils n'ont plus envie de jouer. Donc ça illustre parfaitement un phénomène d'interférence entre deux états, sans pour autant qu'il y ait quoi que ce soit comme un phénomène ondulatoire. Les êtres humains ne sont pas des ondes, je vous l'annonce à la radio. Donc Alexandre Pouget, est-ce que là ça vous convainc que l'analogie quantique est pertinente, cet exemple par exemple ? Une fois de plus, c'est vraiment compliqué. Je ne sais même pas trop quoi penser de cette expérience parce que je la connais pas très bien. J'ai pas été voir tous les résultats. Mais vous voyez, on a même eu du mal à l'expliquer. Elle est compliquée. Il faut réfléchir à travers toutes les possibilités. Il ne faut pas oublier que ces raisonnements qu'on est capable de faire à l'aide du langage, en particulier chez l'être humain, dans l'évolution, ça fait probablement guère que 50 000, peut-être 200 000 ans que ça existe, hein, sur des millions et des millions d'années d'évolution. Donc ce n'est pas non plus totalement impossible que le cerveau humain soit tout simplement pas très bien équipé pour faire face à ces problèmes de logique sur des probabilités. Donc là, une fois de plus, je ne sais pas s'il faut tout de suite invoquer des grandes théories quantiques, et plutôt, moi j'aurais tendance à tout de suite essayer de voir si ce n'est pas juste des limitations dans les capacités de calcul du cerveau humain qui a évolué que très récemment pour faire face à des problèmes comme ça. Mathilde Fontaise. Mais oui, c'est évidemment l'une des possibilités. Et d'ailleurs, ces tests sont classiques. Donc, on a listé ce test du dé. Il y a d'autres tests classiques en psychologie qui ont été étudiés par ces chercheurs qui cherchent à appliquer cette nouvelle approche quantique. Et ce sont spécifiquement, des tests qui ont été étudiés par des psychologues expérimentaux depuis longtemps. Et pour chacun de ces résultats de tests qui défient la logique, il y a bien sûr des explications. Donc parfois on fait appel à l'émotivité par exemple et à la prédominance de l'émotivité sur le raisonnement logique, ou parfois on peut, donc comme vous le disiez, on peut émettre d'autres hypothèses, et chaque fois ces hypothèses peuvent être valables. Ce qui nous a paru intéressant et ce qui est intéressant dans l'approche quantique, c'est qu'on a une approche globale et qu'il est proposé un modèle global pour répondre à toutes ces expériences qui peuvent être multiples et qui peuvent concerner le raisonnement, la perception, le langage, comment on choisit ses mots, comment on catégorise les mots, etc. Et donc, bien évidemment, ça n'est qu'une possibilité. Bien évidemment, pour l'instant, c'est une idée qui est travaillée, qui est en train d'être expérimentée par d'un côté des psychologues expérimentaux, d'un autre côté des économistes qui travaillent sur le comportement collectif, cette fois. Mais c'est une approche nouvelle. Mais ça ne veut pas dire que les approches anciennes, que les explications anciennes sont forcément fausses ou qu'il faille forcément les opposer et dire sur une expérience donnée, c'est ce modèle-là ou ce modèle-là qui colle. On n'en est pas là, bien sûr, puisque ça voudrait dire qu'on serait à deux doigts de trouver le modèle ultime de la pensée. Et ça, je crois que ça aurait fait les gros titres, pas seulement de Science et Vie. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Notre pensée est-elle quantique? C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui avec nos invités, Michel Bitbol, philosophe et directeur de recherche au CNRS, Ariane Lambert-Mogilansky, est responsable d'un programme de recherche d'économie comportementale à l'école d'économie de Paris, Alexandre Pouget, professeur de neurosciences et directeur du laboratoire de neurosciences théoriques à l'Université de Genève. Nous sommes également avec Mathilde Fontaise, journaliste au magazine Science et Vie, notre partenaire pour cette émission. Donc, arrivé à ce stade, on se rend compte que d'abord la réponse à la question du titre de cette émission, notre pensée est-elle quantique, envie de répondre que notre pensée peut-être se comporte comme certains phénomènes de la mécanique quantique et non pas qu'elle est elle-même quantique, et que ce formalisme finalement fait débat, hein. On voit qu'Alexandre Pouget est moins convaincu que nos deux invités dans le studio, Michel Bitbol et Ariane Lambert-Mogilansky. Donc, est-ce que c'est, comme vient de le dire Mathilde Fontaise, juste un cadre supplémentaire qui vient répondre à des situations dans lesquelles on avait du mal à trouver une formalisation des choses, Mathilde? Alors, c'est pas juste un cadre supplémentaire, c'est un modèle, une proposition de modèle global, ce qui est quand même plus d'ampleur. Ce qui était reproché aux autres modèles, c'était d'avoir des explications locales. Et c'est toujours un problème quand on essaye de faire de la théorie, d'avoir des solutions locales, puisque ça veut dire qu'on peut pas revendiquer d'avoir compris les choses, ce qui est quand même important. Et donc, cette idée de proposer un modèle global, c'est l'idée d'essayer de comprendre finalement. Ce qui est un beau projet. Alors, est-ce que tout le monde peut intervenir sur ce point? Bien sûr, Alexandre Pouget, oui. Oui, parce que sur la méthode globale, je comprends tout à fait ce point-là. Effectivement, si c'est une méthode globale, c'est extrêmement intéressant. Mais on a déjà une méthode globale aujourd'hui. Depuis 15-20 ans, il y a un cadre théorique qui a été développé, qui est le cadre qui s'appuie sur la théorie des probabilités classiques, donc pas justement des probabilités quantiques. Et dans les probabilités classiques, comme on l'a rappelé au début, on pense que le système qu'on étudie dans un état donné, mais on a une incertitude sur l'état de ce système. Et en fait, avec cette approche, on rend compte depuis 15-20 ans d'une quantité absolument, véritablement là, astronomique de données comportementales et en neurosciences qui fait le succès justement de cette théorie et qui fait que c'est cette théorie qui domine aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, en neurosciences et en sciences cognitives. Et je peux vous dire que par exemple, pour la prise de décision, on a fait des progrès considérables là-dessus. On est aujourd'hui capable d'enregistrer des neurones dans des animaux alors qu'ils font des décisions. On peut interpréter exactement ce qu'ils font d'un point de vue probabiliste, c'est-à-dire comment ils mettent à jour les connaissances probabilistes au sein de l'esprit, au sein du cerveau, en fonction des données qui sont disponibles. Donc ça, on peut tout ça, on peut le formaliser avec la théorie des probabilités classiques. Et en fait, je peux même vous dire, on reprend des théories qui ont été développées par Alan Turing, le père des ordinateurs, que lui-même avait développé pour décoder les messages de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des théories très classiques, très établies, et qui nous permettent de comprendre très précisément comment les calculs se produisent au sein des circuits neuronaux. Donc pour ce qui est d'une approche globale, on en a une. Pour l'instant, elle marche très très bien. Donc d'où notre réticence à l'abandonner pour passer à une autre théorie, qui aujourd'hui est certes séduisante, mais qui n'a pas beaucoup de support. Alors peut-être une réaction, oui, Ariane Lambert. Oui, alors moi je sais pas. Enfin, en sciences comportementales, nous n'avons pas d'approche globale. Ça, c'est déjà une chose très claire. Et le phénomène dont il était question il y a un instant, qui s'appelle l'effet de disjonction, c'est une violation claire de la probabilité. Parce que c'était dans un cas, on avait un autre exemple, mais on va dire oui pour reprendre, lorsqu'on a gagné, on recommence avec probabilité 60, lorsqu'on a perdu, on recommence avec probabilité 20, et quand on ne sait pas, on recommence seulement avec probabilité 10. C'est même pas entre les deux, c'est une violation absolue des lois de la probabilité. Donc je ne vois pas comment on peut expliquer ça avec un modèle probabilistique. Je pense que les modèles probabilistiques sont très puissants et peuvent expliquer beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qui leur échappent encore. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que ça a aussi une interprétation extrêmement intéressante qui lui donne du sens. C'est pas juste une manière floue de traiter les choses. Ça a un sens profond. Et je pense que c'est aussi ça qui nous intéresse beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ariane. Il y a deux choses très importantes. Il y a d'abord la précision quantitative des prévisions qui sont faites par ce modèle quantique, et d'autre part le surcroît d'intelligibilité que ça apporte, à la fois sur, non pas évidemment le détail du fonctionnement neuronal, mais sur la globalité du comportement humain, d'une part, et sur la nature de la physique quantique, d'autre part. Donc vous avez deux choses. Précision quantitative, surcroît d'intelligibilité, unification des modèles dans un seul. Et il me semble que ça fait trois arguments assez considérables qui, personnellement, me convainquent tout à fait. Alexandre Pouget, est-ce que ça va finir par vous convaincre? Ce que je peux vous dire, c'est que pour des comportements dont on sait qu'ils existent chez les animaux et qui donc l'évolution a eu tout le temps de mettre au point, la théorie des probabilités classiques nous permet d'aller très très loin dans l'explication de ces phénomènes. Donc je parlais de la prise de décision en particulier perceptuelle, c'est-à-dire peut-être de décider de la direction d'une balle qu'on vous lance. Ça, c'est très important parce que ça fait des millions d'années que tous les animaux ont besoin de faire de l'analyse du mouvement et de prendre des décisions en fonction des mouvements d'une proie devant eux. Ça, c'est fait de manière pratiquement optimale par les animaux. Et ça suit la théorie des probabilités classiques, ce qui est rassurant parce que c'est exactement la théorie qui permet d'être aussi performant que possible. Maintenant, pour des raisonnements cognitifs qui sont apparus très tardivement, une fois de plus, j'avoue que là, moi, j'attends d'en savoir plus. Il me paraît évident qu'on utilise des solutions sous-optimales, qu'on n'utilise pas les meilleures solutions, qu'on fait des raccourcis, et c'est peut-être ce qui peut expliquer les violations flagrantes de règles de probabilité de base. Sachant d'ailleurs que on est aujourd'hui capable de les éviter, ces erreurs, puisqu'on sait mathématiquement comment les éviter, on sait à peine depuis deux siècles, depuis Laplace, depuis que les mathématiciens ont compris les règles de probabilité. Donc c'est fait, si vous prenez une personne dans la rue, c'est vrai qu'elle va faire cette erreur-là. Aujourd'hui, vous mettez ça dans un ordinateur, vous n'aurez pas la même erreur, parce qu'on va le programmer en fonction des règles des mathématiques et de la probabilité classique. Et on n'aura pas ces erreurs-là. Donc c'est là aussi où je trouve que la théorie quantique est problématique, parce que c'est pas la bonne solution au problème auquel on est confronté. Donc la solution, c'est d'être logique. Alors, Michel, alors, ah, pas logique. Classiquement logique. Logique, c'est Descartes. C'est d'être, de suivre les règles de la probabilité. Ça, c'est un siècle plus tard que ça a été mis au point, et c'est Laplace. Qui a véritablement expliqué justement après la Révolution française que la rationalité, c'est pas d'être logique, c'est de suivre les lois des probabilités classiques. Ce qui est légèrement différent, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'incertitude, mais on essaie de se comporter de manière aussi performante que possible, étant donné l'incertitude. Michel Bilbol. Alors, moi j'ai un petit problème avec ça, parce que en physique aussi, on pourrait dire la même chose. Si je m'en tiens à la mesure, par exemple, de variables comme la position, la position des particules, eh bien, je vais pouvoir utiliser les règles des probabilités classiques. Ça pose absolument aucun problème. Je peux répartir la position des particules selon les probabilités classiques. Même si je mesure d'autres variables qui sont, comme on le dit en mécanique quantique, compatibles avec la position, ça ne posera aucun problème. On continuera à utiliser les règles de la probabilité classique. Donc tout va bien. On pourrait aussi parler d'un autre domaine, mesurer cette fois non plus la position, mais la vitesse des particules. Et dans ce cas, de nouveau, j'utiliserai la théorie des probabilités classiques. Elle marche très bien. Maintenant, essayons d'unifier les deux. C'est-à-dire, essayons de voir ce qui se passe lorsque je mesure séquentiellement la position, puis la vitesse, puis de nouveau la position. Eh bien là, la théorie des probabilités classiques ne marche plus. Et c'est pourquoi on a besoin d'un modèle qui soit capable d'unifier les deux classes de mesures. Le seul modèle qui puisse unifier les deux classes de mesures, c'est justement la théorie quantique. Et c'est pourquoi, dans l'histoire, elle a été retenue au détriment des théories de probabilité classique qui étaient utilisées, en particulier en physique statistique, boltzmannienne et gibbsienne. Donc, c'est très clair qu'au moment où on a besoin d'un modèle unifié de domaines distincts, alors on utilise un modèle quantique. Ariane Lambert-Modjianski, est-ce qu'il y a actuellement un véritable mouvement en faveur de cette analogie avec le quantique dans votre domaine? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de véritable mouvement, mais on peut parler d'un intérêt grandissant. Et moi, j'ai par exemple deux élèves qui font leur thèse dans ce domaine, un en Belgique, un autre en psychologie, un autre que je co-dirige, un en Allemagne, en économie. Mes collègues ont également des élèves, il y a un intérêt, mais nous sommes au tout début. Et surtout, nous faisons face à une résistance féroce. C'est toujours le cas. Oui, mais ce qui est en quelque sorte, c'est normal, parce qu'il ne faut pas tout de suite. Mais c'est par exemple très très difficile de publier dans les revues mainstream. Alors nous avons vous quelques voulez publications. Parler des grandes revues. Les grandes revues classiques. J'ai quelques publications dans les revues mainstream, mais ça prend beaucoup de temps. Alors on va vous répondre, il n'y a pas un seul référé qui veut s'intéresser au modèle de Hilbert. C'est un trop grand investissement. Donc du coup, ils mettent ça de côté et il n'y a personne pour le traiter. Donc il y a un mouvement, ça se développe depuis les 10 dernières années, ça va vraiment dans un sens très positif, mais on est loin de parler de quelque chose qui domine ou qui va dans ce sens-là. Quoi. Voilà, on approche du terme de l'émission. Mathilde Fontaine, c'était quand même aussi quelque chose de récent dont vous avez parlé là dans ce numéro de Science et Vie. Il n'y a qu'une quinzaine d'années, et encore peut-être moins, que cela perce vraiment ce domaine. Oui, tout à fait. On a discuté avec les plus... Donc parmi les spécialistes de la psychologie expérimentale, ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Il y a certains... Donc on sent un élan des publications, des conférences de plus en plus importante depuis 5 ans ou 8 ans. C'est quelque chose de naissant, mais c'est un moment où on aime beaucoup intervenir, nous, Science et Vie, c'est-à-dire pour le lancement d'une nouvelle théorie, d'un nouveau mode de pensée, de pouvoir le décrire et le suivre après avec nos lecteurs. Voilà, et on a commencé ensemble, mais malheureusement on n'a plus le temps de poursuivre le débat. On a commencé ensemble cette exploration de la pensée quantique. Le débat de Science Publique d'aujourd'hui s'achève. Merci à Michel Bilbol, Ariane Lambert-Modjianski, Alexandre Pouget et Mathilde Fontaise d'y avoir participé. Vous pouvez approfondir donc notre sujet en lisant l'enquête réalisée par Mathilde Fontaise et Hervé Poirier dans le magazine Science et Vie du numéro, dans son numéro de, d'octobre, dont je vous rappelle le titre, On pense tous quantique, un numéro disponible en kiosque. Sur notre site, vous pouvez aussi réécouter cette émission, comme toutes celles de Culture Science, pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an, et bien entendu nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 16 octobre, Science Publique rejoindra le train du climat qui sillonne la France depuis le 6 octobre. Nous serons ainsi à Montpellier, d'où nous observerons les effets présents et prévisibles du réchauffement climatique tels qu'ils sont perçus par les habitants de cette région. Une façon d'aborder ce sujet dans la perspective de la conférence de fin novembre à Paris, la COP21, en passant des calculs scientifiques du GIEC à leurs impacts concrets sur le terrain. Science Publique, Dany Journaud, Marie Dalquier, Michel Albergonti. Nous vous laissons en compagnie des bonnes feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture.